Hey, hey, hey! Salut tout le monde, ici Sébastien et bienvenue à cet épisode de Fans de films! Donc, je suis vraiment content de vous présenter mon prochain invité, mais avant, j'aimerais ça vous dire qu'il y a un petit problème de son dans cet épisode-là. C'est que il y avait un petit délai dans mon micro, puis à cause de ça, ça sonnait toujours un peu curieux. Mais on perd rien, donc vous allez pouvoir vraiment écouter la totalité de l'entrevue que j'ai pu avoir avec M. Page, qui a vraiment été hyper généreux, sincèrement. C'était vraiment trippant. J'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez puis que vous m'en donniez des nouvelles parce que, honnêtement, c'est le genre d'entrevue qu'on voudrait faire à tous les jours. Donc, je vous laisse avec cette entrevue que j'ai de faite avec M. Christian Page et gênez-vous pas pour aller sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute! Donc, bienvenue tout le monde à cet épisode de Fans de films. Là, j'ai vraiment un grand honneur. Je reçois Monsieur Christian Page, l'enquêteur du paranormal lui-même. Bonjour, bonjour. Monsieur Page. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec beaucoup de plaisir. Monsieur Page, ceux qui ne vous connaissent pas, j'imagine que déjà la voix est peut-être en train d'être familière. Ben, effectivement, ça fait quand même une dizaine d'années maintenant que je suis à la radio de manière hebdomadaire, là, que ce soit dans la grande région de Montréal par le 98.5 FM, où j'ai commencé avec Benoît Dutrisac et où je poursuis l'aventure avec Bernard Drainville dans une chronique Mythe et complot, donc une chronique hebdomadaire, et aussi on peut m'entendre à la radio de Québec à Choix FM, le 98.1, là, connu localement comme étant Radio X, où j'anime toutes les semaines une émission qui s'intitule « Dossier X-Files » et qui traite de phénomènes paranormaux. Donc, c'est une émission hebdomadaire là aussi. Et c'est une émission de 2 heures. Donc, on a le temps de faire un peu le tour du sujet, la thématique du jour. Vraiment. Puis, on vous a vu à la télé dans plusieurs émissions, « Dossier mystère ». On vous a vu à Canal D dans plusieurs émissions que vous animiez vous-même. Oui, en fait, l'avènement de la télé spécialisée au début des années 2000 a été pour moi un tournant important. Parce que avant, il faut savoir que je m'intéresse aux phénomènes paranormaux depuis les années 70, là, donc dans la deuxième moitié des années 70. Et à cette époque, donc j'ai commencé comme adolescent, là, comme beaucoup de jeunes, je me suis intéressé à ces phénomènes-là. Et à l'époque, en fait, c'est assez amusant parce que ce n'est pas le paranormal qui... c'est pas le journalisme qui m'a amené au paranormal, mais le paranormal qui m'a amené au journaliste. Okay. Parce que je m'intéressais à ces sujets-là et je trouvais ça tellement excitant que j'avais envie d'en parler, mais où en parler et quelle tribune utiliser. Et à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, de disponible. Alors, j'ai décidé d'y aller vers le journalisme en me disant, bien, il y aura toujours les médias écrits sur lesquels je pourrais exploiter pour pouvoir communiquer le message. Et c'est vrai que sur le plan audio ou sur le plan télévisuel, il y avait peu de choses. Hein. Il n'y avait aucune radio qui consacrait des émissions entières à ces phénomènes-là. Il y avait eu quand même quelques petits trucs sporadiques là, qui avaient été faits à la télévision. D'ailleurs, l'un des pionniers dans l'histoire des ovnis au Québec, Henri Bordelot, animait une émission de radio à CKVL. Donc, il pouvait parler d'ovnis. Mais c'était quand même excessivement rare. Oui, il devait être assez tout seul dans sa gang. Oui, c'est ça. Et là, on recule dans les années 60. Là. Donc, on est quand même très loin. Henri Bordelot, qui était probablement le pionnier de l'ufologie au Québec. Et ensuite, il faut attendre, il va se produire toutes sortes d'émissions qui vont parler de manière sporadique de phénomènes mystérieux. Je pense dans les années 70 à des émissions comme Jeannette Bertrand, là, Jeannette veut savoir. Il y avait eu Droit de parole animé par Claire Lamarche qui avait abordé des thématiques comme les fantômes, les ovnis. Mais le tournant va se faire en 1995 avec l'avènement de la première télé spécialisée au Québec qui est Canal D. Et ensuite, au tournant des années 2000, on avait arrivé là, les télés spécialisées, là, Série Plus, Z-Télé, Historia et autres. Et ça, pour moi, ça a été un gros changement parce que si j'avais travaillé de manière sporadique à des projets télévisuels, comme par exemple la série Dossier Mystère dans les années 90, ou encore j'avais fait quelques recherches pour Claire Lamarche dans Droit de parole, ou l'émission tout simplement Claire Lamarche, c'est vrai qu'il fallait, au moment où les télés spécialisées sont arrivées, là, ça a été une nouvelle dynamique. Et j'ai commencé donc à Canal D par produire, à travailler comme recherchiste, pardon, sur des émissions comme Monde et Mystère, Mystère et Controverse. Et puis va arriver finalement au tournant des années 2000, Canal Z, qui est maintenant devenu Z Télé, et qui à l'époque faisait beaucoup dans le paranormal. Il a délaissé un peu cette vocation, mais à l'époque, je me rappelle, il y a des amis qui me disaient à moi, c'est quasiment devenu le page télé, parce que c'est vrai que j'animais beaucoup, j'avais une chronique à l'émission La Revanche des Nerds, j'animais des séries comme, bon, en fait, il y avait beaucoup d'acquisitions à Z Télé, d'émissions à caractère paranormal, et on retirait l'animateur anglophone pour le remplacer par un animateur francophone, et par conséquent, c'était moi qui animais ça. Donc, j'avais des histoires extraordinaires, rencontres avec l'au-delà, mystères de l'au-delà. Bon, il y en avait. Il y avait une émission Christian Page qui se terminait, puis il y en avait une autre qui commençait. Là. Donc, c'est avec vrai un que, synonyme dans le titre. Voilà. Et il y avait, c'était la vocation de Z Télé à ce moment-là de produire beaucoup de paranormal. Il a délaissé un peu cette vocation qui maintenant échoue surtout entre les mains de Historia et de Canal D. Alors, j'ai poursuivi l'aventure avec eux, donc j'ai produit de très nombreuses séries télé, et certaines que les gens ignorent peut-être, parce que dans certains cas, je me suis un peu éloigné du paranormal, mais pour Z Télé, j'ai repris les dossiers mystères, on est au début des années 2000, j'ai fait une série à Z Télé qui s'appelait Enquête sur les ovnis, ensuite Force obscure, à la recherche des reliques saintes, qui demeure pour moi l'expérience la plus extraordinaire que j'ai vécue. Et ensuite, on faisait le tour du monde pas mal là-dedans. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on faisait le tour du monde. On était à la recherche d'objets qui avaient marqué l'histoire de la chrétienté. Puis même, on débordait un peu cette vocation de chrétienté, parce qu'on y est allé aussi avec des grands mystères de la Torah, là, comme par exemple, essayer de retrouver l'arche de Noé au sommet du mont Ararat en Turquie, l'arche d'Alliance en Éthiopie. Donc, on faisait large. Et l'idée était de présenter ces objets-là dans un cadre historique. Donc, il fallait toujours un peu minimiser, hein. On marchait un peu sur des œufs parce que je voulais respecter les croyances des gens qui adhèrent à ces, soit au christianisme ou soit encore au judaïsme. Mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'était essentiellement l'approche historique. Est-ce que oui ou non, on peut prétendre que l'Arche d'Alliance existait, l'Arche de Noé? Et là, sur le christianisme, c'était la tunique du Christ, la couronne d'épines, le Saint-Suaire de Turin. Et ça m'a permis de faire le tour du monde, de me familiariser aussi beaucoup avec l'histoire de la chrétienté, l'histoire des religions en général. Donc, ce fut une expérience tout à fait fantastique. Et j'ai fait également des séries qui sont un peu à côté du paranormal. Par exemple, il y a une série qui a été très populaire à Canal D, qui avait commencé sous le titre « Jeux mortels ». Et au cours des années suivantes, on a changé ça pour « Enfants tueurs ». Donc, c'est moi qui est le concepteur de cette série-là. Et il y a une série qui actuellement est présentée à Canal D, qui en a sa deuxième saison, qui s'appelle « Crime occulte ». Et donc, ça aussi, c'est moi qui est le concepteur de cette série-là. Wow. Donc, c'est toute une, j'allais dire filmographie, mais je sais pas dans le cas de la télé, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est une bonne feuille de route quand même. C'est oui, oui. Surtout quand on considère que produire une série ici au Québec, là, au moment où on met les premières lignes sur une feuille de papier, et le moment où la série est diffusée à la télé, on a quand même une période d'à peu près 2 ans qui s'écoule. Donc, on voit que ça tient occupé. Là, évidemment, il y a une série qui est bien connue aussi des gens de la télé. C'est la série L'Enquêteur du paranormal que j'ai fait il y a 2 ans avec ma collègue du 98.5, Isabelle Maréchal. On a fait la série L'Enquêteur du paranormal. Et donc, voilà, on a quelques projets actuellement qui sont sur la table, des projets télé, mais c'est vrai qu'en ce moment, la radio, l'écriture m'occupe beaucoup. Fait que je dois essayer de diligenter un peu tout le travail que je dois faire. C'est sûr. Puis là, on va revenir sur votre dernier livre un peu plus tard, mais moi, je voulais surtout vous parler de votre précédent, oui. L'Enquêteur du paranormal au cinéma. Oui. Parce que c'est évidemment, c'est un podcast de film. Oui. Et je sais que les gens aiment beaucoup les histoires d'horreur au cinéma qui sont basées sur des faits vécus. Oui. Et c'est exactement ce dont ce livre-là parle. En fait, dans ce livre-là, c'est ça. Ce que j'avais fait, j'avais proposé à l'éditeur de prendre une dizaine de films. En fait, je crois qu'il y en a 15 dans le livre. Des films qui ont été commercialisés comme étant basés sur une histoire vraie ou inspirés par une histoire vraie. Parce que ce sont des histoires que j'ai moi-même enquêtées. par curiosité, lorsque le film prenait l'affiche, et là, on disait, voilà, le film est basé sur une histoire vraie. Ça m'interrogeait toujours de savoir dans quelle mesure, quelle est la part de vérité que présente le film. Donc, j'ai enquêté sur un très grand nombre d'histoires, peut-être une cinquantaine de films, peut-être. Et là, j'en ai choisi une quinzaine que j'ai présentées dans cet ouvrage. Et évidemment, je pourrais faire un tome 2, tome 3, tome 4, là, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et c'est vrai que chaque année, il y a des nouveaux, il y a des films. C'est devenu un peu une mode quand même, il faut l'avouer. Là, dans les années 70, on commercialisait moins de films basés sur des histoires vraies. Quand je dis commercialiser, c'est dans le sens l'évoquer sur le plan commercial. Il y avait beaucoup de films qui prenaient l'affiche, des films qui étaient basés sur des histoires vraies, mais on ne se souciait pas à Hollywood de faire ce pont entre l'événement, le fait divers et le film. Par exemple, si on regarde le film L'Exorciste, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que c'est basé sur une authentique histoire d'exorcisme qui s'est produite dans la banlieue de Washington, D.C. en 1949 et qui s'est poursuivie à Saint-Louis. Et cette histoire-là, donc, quand le film paraît en décembre 1973, quand il prend l'affiche en décembre 1973, personne ne sait que c'est basé sur une histoire vraie. Il va falloir une indiscrétion, en fait, du scénariste William Peter Blatty, qui est également l'auteur du roman « L'Exorciste ». Oui. C'est lui qui va dire à des journalistes, « Vous savez, quand j'ai écrit cette histoire-là, je me suis inspiré d'un fait divers qui m'avait été raconté par un de mes professeurs à l'université de Georgetown, qui avait connu des prêtres exorcistes qui avaient été impliqués dans une histoire. Et j'ai enquêté sur cette histoire, j'ai ressorti des coupures de presse, bon, tatati, tatata. » Donc, Blatty va documenter sa démarche pour pouvoir obtenir de l'information sur cette histoire. Il va même obtenir, par un concours de circonstances assez extraordinaire, il va obtenir l'un des journaux qui avait été fait par l'un des prêtres exorcistes. Donc, il va s'inspirer de cette matière-là pour écrire son roman, et ensuite, l'étape suivante, c'est le film. Et si n'eût été de cette indiscrétion de William Peter Blatty, les gens n'auraient probablement jamais su que ce film était basé sur une histoire vraie. Et Hollywood ne considérait pas que c'était un élément important. Même chose avec le fameux film « Amityville, la maison du diable », hein, qui paraît à la fin des années 70. Là, encore une fois, je l'ai devant moi. Donc, quand le film paraît au cinéma, quand on regarde l'affiche du film, quand on regarde la commercialisation du film, à aucun moment, du moins en Amérique du Nord, à aucun moment, on ne fait cette révélation que basée sur une histoire vraie. On n'a pas utilisé cet élément-là. Bien Est-ce sûr. Qu'à l'époque, le fait divers était connu de la population? Voilà, il y avait quand même, ça aurait été peut-être redondant de mentionner d'après une histoire vraie, parce que c'est vrai que là, tout le monde à peu près savait, la plupart des cinéphiles savaient que le film était basé sur un livre de Jay Hansen, qui racontait l'histoire des 28 jours vécus par la famille Lutz dans cette maison de Long Island. Et le livre était très connu. Il avait été un gros succès de librairie, plus de 3 millions d'exemplaires vendus, et le livre affichait ouvertement qu'il était le narratif, finalement, de ces événements plus ou moins extraordinaires. Donc, quand le film est sorti, les gens faisaient assez rapidement le lien entre le livre et le film, mais à aucun moment, sur l'affiche du film ou de manière commerciale, on a mentionné que le film était basé sur une histoire vraie. Donc, il faut attendre vraiment le début des années 80 pour que quelqu'un, quelque part, Hollywood clique et se dise, ben voilà, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut être intéressant. Et là, de plus en plus, on a commencé à faire des films. Je te dirais qu'aujourd'hui, pratiquement un film sur deux qui sort au cinéma, et pas forcément des films basés sur le paranormal, hein. On a des films de tout type qui se réclament être basés sur des faits divers authentiques, que ce soit des films à caractère politique, historique, sociologique ou bien sûr paranormal. C'est vrai. Puis je repense en 80, on pourrait-tu se dire qu'un des premiers qui a été vraiment un pionnier en disant « je suis basé sur un fait divers », ce serait The Entity? Même The Entity n'a pas été commercialisé de cette façon. Il n'a pas été commercialisé comme ça? Non. Okay. D'ailleurs, The Entity, c'est assez amusant parce que quand le film The Entity prend l'affiche, là, on est au début des années 80, et le film, d'ailleurs, d'entrée de jeu, il dit être basé sur un roman. C'est tout à fait vrai, hein? Il est basé sur un roman, le roman de Frank DeFilippo qui s'appelle The Entity. Donc, le film n'a pas la prétention de dire « je suis basé sur un fait divers ». Je suis simplement basé sur un roman, c'est ce que annonce le film. C'est sûr C'est que bon ton. parce que quand on voit la finale, c'est assez rocambolesque, là. Ouais. Et quand on regarde et quand on prend le livre, à aucun moment non plus le livre n'est dit je suis basé sur une histoire vraie. Mais on sait aujourd'hui, et on le savait à l'époque, les médias le mentionnaient, même si ce n'était pas commercialisé dans ce sens-là, c'est vrai que le roman de Frank de Filita avait été écrit en s'appuyant sur l'histoire de Doris Byton. Il faut savoir qu'au moment où ça va se passer, on est au milieu des années 70. Frank de Filita vient de sortir de l'écriture d'un roman qui s'appelle Le roman d'Audrey Rose, qui est une histoire de réincarnation. Et là encore, les gens ne le savent pas, mais ce roman-là, qui a été porté à l'écran d'ailleurs, et qui met en vedette Anthony Hopkins, dans ce film, qui est une histoire de réincarnation, il est assez librement inspiré d'une histoire vécue par l'auteur Frank de Filita. Donc, Ok, qui a perdu sa fille et qui croit que sa fille s'est réincarnée quelque part. Donc, il va s'inspirer de sa propre histoire pour écrire le roman d'Audrey Rose. Donc, il venait de sortir de ce roman et son prochain roman, il se destinait à une histoire de fantôme. Il a fait parvenir dans les milieux de la recherche en parapsychologie. Il faut se rappeler que les années 70, c'est l'âge d'or de la parapsychologie. Donc, il envoie une lettre circulaire à plusieurs organisations en leur disant, ben, je voudrais écrire un roman sur une histoire de fantôme, donc si une histoire scientifique, hein, il souhaitait beaucoup avoir cette notion scientifique, alors qu'il envoie cette lettre en disant, si vous avez une histoire de fantôme à me proposer, ça pourrait m'intéresser. Au moment où cette lettre commence à circuler dans les milieux de la parapsychologie, l'Université de Californie à Los Angeles, la UCLA, avait à ce moment-là un département de recherche en parapsychologie qui n'existe plus Wow. aujourd'hui, mais qui existait à cette époque et qui était dirigé par une parapsychologue qui s'appelait Thelma Moss, et elle reçoit la lettre de Frank de Filita à peu près au même moment où deux de ses enquêteurs l'informent qu'ils sont sur une histoire de fantôme, de poltergeist, en fait, qui leur semble très intéressante. Ça se passe en banlieue de Los Angeles, et c'est l'histoire de Doris Byton, donc cette femme qui disait que sa résidence était. Il y avait des manifestations de type poltergeist qui se produisaient, donc coups frappés dans les murs, portes qui s'ouvrent, se ferment toutes seules, des meubles qui se déplacent. Et il y avait aussi cet aspect un peu étrange où Doris Byton disait avoir été agressée à maintes reprises par des entités invisibles. Donc, elle va confier son histoire et là-dessus, le film est assez proche de la réalité. On voit au début dans le film Barbara Hershey, qui incarne Carla Moran, hein, c'est le nom qu'on donne à l'héroïne dans le film. On la voit approcher des parapsychologues dans une bibliothèque, une librairie, et là, elle leur dit, voilà, j'ai des phénomènes mystérieux qui se produisent chez moi. C'est exactement comme ça que ça s'est produit dans la réalité. Doris Byton était à faire des bouquineries, et à ce moment-là, elle entend dans une allée tout près d'elle, un type qui s'appelle Cary Gainer, qui est l'un des enquêteurs de la UCLA, qui était là, qui parlait avec des collègues de phénomènes de poltergeist. Elle s'est approchée de lui a dit, écoutez, je vous écoutais parler, excusez mon indiscrétion, mais j'ai ce type de phénomène chez moi aussi. Et c'est comme ça que l'affaire est arrivée à l'oreille de la UCLA, qui ont commencé à enquêter. Et ils ont informé Frank de Filita. Ils ont dit, on a un cas extraordinaire qui se passe en ce moment, on est en pleine enquête dessus, et voilà, c'est l'histoire de Doris Byton. Même Frank de Filita s'est rendu à Los Angeles, où il a accompagné les enquêteurs dans la résidence de Doris Byton. Il a lui-même été témoin de certaines des manifestations. Et donc, Frank de Filita va s'inspirer de cette histoire-là pour écrire son roman. Mais ça s'arrête à ça, donc ça va pas plus loin que ça. T'sais. Savoir maintenant si on a pu déboulonner l'affaire de Doris Byton, c'est toujours un peu difficile parce que à cette époque, et comme c'est le cas encore aujourd'hui, les documentations lorsqu'il s'agit de phénomènes de ce type-là, poltergeist, fantômes, la documentation demeure toujours excessivement ténue. Alors, dans le cas de Doris Byton, on n'a pas grand-chose. Quelques images plus ou moins intéressantes, lesquelles d'ailleurs restent très controversées. Et ensuite, on a principalement des témoignages. La grande problématique avec les témoignages, on le sait, au cours des 20 dernières années, les recherches qui ont été menées sur la mémoire et le témoignage montrent que tout ça reste excessivement faible. On a souvent tendance à dire « je sais ce que j'ai vu » ou « je sais ce que j'ai entendu », alors que la réalité, c'est pas ça. On sait ce que l'on croit avoir vu ou on sait ce que l'on croit avoir entendu. En fait, on a deux niveaux de réalité. On a une réalité psychologique, celle que je crois avoir vécue, vue, entendue et tout le reste. et la réalité factuelle. Donc, si j'avais placé une caméra sur place, est-ce qu'elle aurait vu ou filmé la même chose que moi? Ça, on n'a pas besoin nécessairement de voir beaucoup de temps s'écouler, là. Donc, immédiatement après un événement, que ce soit un événement de nature surnaturelle, un accident ou peu importe, ce que l'on a perçu de cet événement-là est déjà au départ un peu décalé de la réalité. Et plus les années vont s'écouler, plus nos souvenirs vont s'altérer. Ils vont s'altérer en fonction de notre propre démarche personnelle, nos croyances, nos expériences de vie vont altérer le souvenir de ces expériences-là. Donc, dans le cas de Doris Binder, déjà, même si on avait une cinquantaine de témoignages à l'époque qui avaient été faits ou bien par les enquêteurs ou par d'autres personnes qui avaient été témoins de ces manifestations, ces témoignages restent excessivement controversés parce que c'était le récit de faits vécus. Or, on le sait que ces récits de faits vécus sont relativement faibles, d'autant plus s'ils ne sont pas appuyés par des preuves matérielles, parce que c'est souvent ça un peu, hein, le discours dans le domaine du paranormal. Les gens disent, lorsqu'on entend des enquêteurs dire « oui, mais le témoignage n'est pas fiable », les amateurs de phénomènes paranormaux ont souvent tendance à dire « ah, oh, mais si le témoignage n'est pas fiable, regardons les tribunaux, la cour de justice, on a envoyé des gens à la chaise électrique sur la foi de témoignage », alors que c'est pas vrai. J'ai jamais envoyé quelqu'un à la chaise électrique uniquement sur la foi du témoignage. Il y avait toujours au départ le corpus delicti. Voilà. Même si ce sont des témoignages, on avait quand même quelque part un cadavre. Hein? Alors que dans le cas des fantômes ou des ovnis, ou peu importe, on n'a pas l'ovni et on n'a pas le cadavre. Donc là, on n'a que le témoignage. Et à partir du moment où on ne peut pas appuyer ce témoignage, on a beau prétendre qu'il y a eu meurtre, si on n'a pas de corps, on n'a pas de témoin, on n'a pas rien, on n'a pas de preuve tangible, c'est un peu faible. Donc, c'est un peu la problématique. Dans le cas du paranormal, on n'a pas l'OVNI, on n'a pas le fantôme, on n'a pas le poltergeist. Donc, par conséquent, on n'a que des témoignages. Et ces témoignages-là, ben, ils sont relativement faibles. Donc, dans le cas de Doris Binder, je pense que l'un des éléments les plus souvent proposés pour appuyer l'authenticité de ce cas-là, c'était des photographies qui avaient été prises à quelques reprises dans la maison chez Doris Binder et que, au développement, on voyait comme des espèces d'arches lumineuses. Et ces arches lumineuses n'étaient pas visibles par les enquêteurs sur place. Donc, on a l'impression que c'était peut-être un phénomène qui est apparu après sur la photo, de nature un peu surnaturelle. Mais les photographes qui ont regardé ces images-là ne sont pas de cet avis-là. Il faut savoir que dans les années 70, les films, hein, parce qu'on est à l'époque du film argentique, là, les films qu'on mettait dans les appareils photo, ces films étaient souvent développés dans des laboratoires. Et s'il était manipulé de manière un peu gauche, on créait une espèce de pli dans le négatif qui donnait exactement l'effet de cette arche lumineuse. Donc, il suffisait de développer un film, de plier, qu'il y ait un pli au moment du développement du film, du négatif, pour produire un effet exactement comme ce que l'on voit apparaître sur les photos de Doris Binder. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel? Non, c'est ça. Donc, est-ce que c'est une erreur de manipulation du négatif? Est-ce que c'est un phénomène paranormal qui s'est produit? Ça reste excessivement controversé. Il faut dire également que Doris Binder, dans la vraie vie, n'était pas la Carla Moran du cinéma. Hein, dans le film The Entity, Carla Moran, là, qui est incarnée par Barbara Hershey, une femme forte, sûre d'elle, bon, etc., puis qui a un aplomb. On la voit à plusieurs reprises, là, une espèce de joute oratoire avec son psychologue. Elle sait ce qu'elle a vu, elle sait ce qu'elle a entendu, mais elle n'est pas prête à faire le pas pour dire qu'elle souffre de problèmes mentaux. Là. Alors que dans la réalité, Doris Binder, c'est pas du tout ça. C'est une femme qui, contrairement au film où elle a trois enfants, dans la réalité, elle en avait quatre. Tous ces enfants-là étaient nés de pères différents. C'est une femme qui avait des problèmes de comportement, qui avait des problèmes d'alcool. Donc, on est loin de la Carla Moran du cinéma. Donc, il y a toute cette nuance-là qu'on doit tenir compte là, quand on évalue l'histoire vraie derrière le film The Entity. Et si on regardait le film qui est le plus crédible versus son histoire là, sur laquelle il est basé, ce serait lequel selon vous? C'est assez amusant parce que quand on regarde l'exploitation que fait le cinéma de phénomènes paranormaux, il se fait à deux niveaux. On a le film que l'on dit d'après une histoire vraie. Là, quand on dit d'après une histoire vraie, je pense que le téléspectateur est en droit de s'attendre à une adaptation plus conformiste des faits, donc plus actuelle des faits. D'autres films sont commercialisés comme étant inspirés par une histoire vraie. Donc là, on Comme des films comprend de qu'il y a une Warren, espèce par de exemple. liberté artistique qui est prise. Voilà. Bon. Dans le cas des films, ça c'est amusant, par exemple, ces films-là, dans l'affaire des Warren, on a deux films principalement qui ont été commercialisés entourant les aventures de ce couple de démonologues, là, Ed et Lorraine Warren, à savoir le premier, La Conjuration, et ensuite La Conjuration 2, le Poltergeist d'Enfield. Ce sont des bons films, hein. Je veux dire, sur le plan cinématographique, on regarde ça, on se divertit pendant 2 heures à regarder le film, les comédiens sont bons, l'histoire, bon, le scénario Exactement. du film est excellent. Mais dans la réalité, les Warren n'étaient pas non plus à l'image de ce que l'on voit dans ces films. Hein. Les Warren, c'était des gens qui étaient un peu obsédés par la religion. Eux, c'était toujours. Ce que, là où d'autres parapsychologues auraient trouvé un simple phénomène de poltergeist ou même encore là une forme d'hystérie collective par les membres d'une même famille, pour les Warren, c'était toujours le démon. Hein. J'ai En fait effet, dans ouais. mon bouquin, quand je raconte l'histoire des Warren, je dis un peu, c'est un peu les Batman et Robin surnaturels. Eux, quand ils sortaient de la Warren Cave, c'est toujours pour aller combattre le super vilain. Hein, c'est jamais un petit fantôme de deuxième catégorie, là. C'est toujours le diable avec un grand D, là. Donc, les C'est son Warren bras étaient un peu droit, obsédés sinon. par ça. Ouais, voilà. Et les Warren étaient obsédés par cette idée-là du démon et de l'exorcisme. Ils faisaient appel d'ailleurs à des prêtres exorcistes qui étaient un peu en marge de l'Église catholique. Donc là, on avait un peu des problèmes là-dessus. Et ensuite de ça, dans des cas plus, dans le cas de La Conjuration 2, où là, les Warren s'en vont combattre le mauvais esprit, le démon qui hante la maison dans l'affaire du Poltergeist d'Enfield. Dans la réalité, les Warren ont passé 45 minutes sur place. Donc, les Warren sont arrivés là, un après-midi, l'affaire a été enquêtée par le Society for Psychical Research. Je te rappelle, je te replace dans le contexte, on est en août 1977 de mémoire. Ces phénomènes se produisent dans une maison en banlieue de Londres, à Anfield, dans le quartier d'Anfield. Et ce sont des semi-détachés et ce sont des loyers, disons, à prix modique là, pour des gens qui ont faible revenu. C'est un quartier très populaire et populiste de Londres. Donc, il y a ces manifestations qui se produisent. Et puis, on va éventuellement, de fil en aiguille, on va informer la Society for Psychical Research, qui est une organisation excessivement sérieuse qui s'intéresse à ces phénomènes. Eux vont débarquer à Anfield, vont commencer à enquêter. Et parmi les enquêteurs, ben, il y a un type qui s'appelle Guy Lyon-Playfair qui dirige un peu l'équipe sur place. Et c'est à ce moment-là que Guy Lyon-Playfair va raconter, il dit à un moment donné, un après-midi, ça cogne à la porte, toujours, c'est le couple Warren, et les Warren sont à Londres pour donner des conférences. Et en débarquant de l'avion, ils ont lu dans le journal cette histoire de poltergeist à Enfield. Donc, contrairement à ce qu'on voit dans le film, ils n'ont pas été mandatés pour aller enquêter là. Ils ont découvert cette histoire-là dans les médias britanniques au moment où ils débarquaient de l'avion. Alors, Le les batignal n'a pas Warren été se rendent à mis. la maison de Enfield. Non, le bat-signal n'a pas été allumé. Donc, les Warren arrivent à la maison d'Enfield. Et là, ils frappent à la porte. C'est Guy Lyon-Playfair qui les reçoit. Et Playfair discute avec eux quelques minutes. Et là, ben, c'est pas très élogieux pour Ed Warren. Non, mais Ed Warren dit à Guy Lyon-Playfair, il dit, écoute, si tu veux faire de l'argent avec cette histoire-là, je pourrais t'en faire faire. Et Playfair, pas du tout intéressé par ça. Lui, a une approche beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus scientifique. C'est ce qui l'intéresse, c'est la documentation des faits, non pas la commercialisation des faits. Alors, se désintéresse de l'offre des Warren. Les Warren le saluent, le remercient. Lorraine Warren, pendant ce temps-là, va discuter avec les deux fillettes une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes à l'arrière, dans le jardin. Et puis, les Warren quittent. Et merci, bonsoir. L'investigation des Warren s'est limitée à ça. Alors que quand on voit le film La Conjuration 2, bon, ils séjournent littéralement à Enfield, passent des jours et des jours à Enfield. Ça, c'est de la fiction, c'est pas la réalité, ça. Donc, même si le film est basé sur une histoire vraie, ici, il en est plus inspiré que basé, parce que là, on est très, très loin de la réalité. Donc, on a tous ces éléments-là et il faut en tenir compte quand on regarde ce qui est fait entre le cinéma et la réalité. En effet. Je te dirais, si tu me poses la question, quel est le film le plus proche de la réalité, Ouais. je te dirais, moi, en ce qui me concerne, c'est un téléfilm qui a été tourné au milieu des années 70. au début des années 70, pardon. Je crois que c'était 1972 ou 1973. C'est un film qui s'appelait, un film tourné pour la télévision, c'est un film qui s'appelait The UFO Incident. En français, il a été présenté à la télévision en français sous le titre La nuit des extraterrestres. Et dans cette histoire-là, on voit que l'auteur, le scénariste, a quand même joué une carte, disons la carte du bon sens. C'est-à-dire que c'est l'histoire, on raconte l'histoire de Betty et de Barney Hill, donc un couple d'Américains interracial, donc ce qui est quand même assez rare au début des années 60, et qui affirme avoir été enlevé par des extraterrestres alors qu'ils revenaient d'un voyage à Montréal. Donc, ils ont passé quelques jours au chute du Niagara, sont passés par Montréal. Ça les a déplu, d'ailleurs, Montréal, parce que les gens parlaient beaucoup trop français, donc ils ne comprenaient pas ce qui se disait. Donc, ils décident, ils entendent parler à la radio qu'il y a une tempête qui se dirige sur la côte est américaine, pardon. Et là, ils décident de rentrer chez eux. Ils habitent Portsmouth, au New Hampshire. Donc, ils décident de rentrer à la maison. Ils vont passer par les montagnes blanches du New Hampshire, et c'est durant cette traversée du parc national qu'ils vont observer un objet dans le ciel, et ensuite, il y a un curieux phénomène qui se produit. Ils ont l'impression de perdre du temps ou de s'être endormis au volant, ils ne savent pas trop. Ils se rappellent avoir vu un objet dans le ciel, avoir observé un bon moment, l'avoir détaillé à la jumelle, et puis il y a une espèce de passage à vide. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils constatent toutes sortes de petites choses. Le dessus des chaussures de Barney Hill est éraflé, la robe de Betty Hill est déchirée, elle va se décolorer un peu avec le temps. Il y a des espèces de marques sur la voiture où la peinture semble avoir été polie. Donc, il y a toutes sortes de petits détails comme ça, et surtout un trou de 2 heures. Hein. Ils auraient dû arriver à la maison, moi, c'est ce qu'ils pensent. Ils auraient dû arriver à la maison vers les 3h30 du matin, alors que lorsqu'ils arrivent à la maison, il est presque 6h du matin. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Tout ça va devenir obsédant. Ils vont rencontrer un médecin à Boston en 1964, décembre 64, ils vont entreprendre une séance de thérapie de régression hypnotique par un neuropsychiatre de Boston, le docteur Benjamin Simons. Et lui, en régressant comme ça dans le passé, il va les ramener à cette nuit du 19 au 20 septembre 1961, alors qu'ils traversaient le parc des Montagnes Blanches. Et là, ils vont raconter sous hypnose ils croient avoir été enlevés par des extraterrestres. Cette histoire, lorsqu'elle est adaptée à la télévision pour la première fois, là, je sais qu'au moment où on se parle, on nous annonce la sortie d'un film prochainement au cinéma qui reprend l'enlèvement de Betty et de Barney Hill. Mais la première fois où le film a été présenté, au début des années 70, là, à la télévision, c'était parce que l'histoire des Hill a alimenté un ouvrage qui s'appelle The Interrupted Journey, le voyage interrompu, signé par John G. Fuller. Et ensuite, ça a été adapté à la télévision. Et quand il est présenté à la télévision, le réalisateur a pensé, le réalisateur et le scénariste ont pensé judicieusement faire raconter l'enlèvement alors que les Hills sont sous hypnose dans le cabinet du docteur Simon. Donc, on n'est jamais sûr de la réalité de l'histoire. Hein? Ils vivent l'expérience. On les voit pas se faire enlever par les extraterrestres dans un premier temps. Et là, lorsqu'ils sont sous hypnose chez le docteur Simons, ils racontent ce qu'ils croient être la vérité. Et on voit d'ailleurs le docteur Simons qui essaie de les ramener en disant: oui, mais là, vous croyez avoir été enlevé, mais vous savez, dans une chambre sombre, facilement un fauteuil, une chaise, une patère peut se transformer en un être menaçant, peut-être des extraterrestres. Donc, il essaie de les ramener à un jugement plus fondamental, plus terre à terre que l'enlèvement par des extraterrestres, même si ils refusent cette explication. Mais il y a cette présentation qui est faite de manière assez adéquate, parce que c'est comme ça que ça s'est produit. Donc, ce film-là est très proche de la réalité. Contrairement à des films où, d'enlèvement extraterrestre, je pense par exemple de film qui racontait l'histoire de Travis Walton, qui était OVNI, l'ultime rencontre en français, Fire in the Sky. Ouais, voilà, où toute la séquence de l'OVNI, à l'intérieur de l'OVNI, a été complètement transformée, parce que le récit de Travis Walton, il est au demeurant assez ridicule. Alors, quand on a décidé d'adapter cette histoire-là pour le cinéma, les réalisateurs ont dit: ben, écoutez, on ne peut pas raconter l'histoire de Travis Walton parce qu'elle est absurde. Donc, on va réécrire toute la séquence à bord de l'OVNI. Donc, quand on voit dans le film le comédien qui incarne Travis Walton se réveiller dans une espèce d'alvéole, il déchire l'alvéole en question, il se retrouve dans une espèce de puits où là, il n'y a plus de gravité. éventuellement, il se retrouve dans une pièce avec des extraterrestres qui ressemblent davantage à des médecins nazis qui soumettent à toutes sortes d'expériences un peu terrifiantes. Ça ne s'est pas produit comme ça dans la réalité. Quand je dis de la réalité, on comprend bien, entre guillemets, là, à tout le moins, la réalité racontée par Travis Walton. Lui, il raconte plutôt avoir été amené dans un vaisseau spatial avec des créatures, des grands blonds, qui portaient des combinaisons ajustées bleues, avec des jolies femmes, bon, toutes sortes de... le récit est presque érotique par certains aspects. Et bon, ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que le cinéma a fait. Mais bon, ça a été un choix, ça a été une signature artistique des cinéastes, du réalisateur, de présenter une autre version de l'histoire de Travis Walton. Puis, écoutez, je sais qu'on pourrait parler de cinéma comme ça sans cesse, mais avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on parle de votre parce que j'aime dernier beaucoup livre. Le cinéma aussi. Ben, c'est ça, je pense qu'on pourrait le faire vraiment ouais. souvent, parce puis que, au pire, je vais vous réinviter, là. parce que moi aussi, je suis un grand fan du cinéma. Je dirais que je suis un grand fan du cinéma. Et je suis assez bon public. Hein, pour les films d'horreur basés sur des histoires de fantômes, je suis bon public là-dessus. C'est-à-dire que je suis pas un puriste. Je ne vais pas voir le film en disant « Ah oui, mais ça s'est pas passé comme ça dans la réalité. Ici, on l'a déformé, etc. » Je fais pas ça. Je me laisse embarquer dans le film. Je me laisse aller au scénario du film. Le film, ce n'est pas un documentaire. Il faut toujours se rappeler de ça. Parce que souvent, j'ai vu des gens faire des critiques sur le film, je pense notamment à un très, très beau film français qui avait été fait au début des années 2000, basé sur l'histoire de la bête du Gévaudan, qui s'appelle Le Pacte des loups. Un film qui a été réalisé par Christophe Dans. Le film c'est un très, très bon film. Mais les Français, très puristes, hein, parce qu'il faut savoir que la bête du Gévaudan, encore une fois, pour vos auditeurs, je le situe, on est dans la deuxième moitié du 18e siècle, en fait, en 1764. Il y a un animal mystérieux qui apparaît dans la région du Gévaudan en France, qui aujourd'hui, c'est la région de la Lozère. Et pendant les 3 années qui vont suivre, cet animal, que les paysans décrivent comme ressemblant à un loup, mais c'était pas tout à fait un loup, il était plus gros qu'un loup, il avait les oreilles un peu plus rondes qu'un loup, il avait la fourrure rayée, ce que l'on ne voit jamais chez les loups. Donc, ils décrivent cet animal comme ressemblant à un loup, mais ils sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un simple et vulgaire loup. Cet animal va assassiner 121 personnes. Et là, on parle de 121 personnes enregistrées par les autorités locales. Donc, 121 personnes qui ont été massacrées par cette bête. Et elle va faire des ravages comme ça jusqu'en 1767. Et ensuite, elle va disparaître. Certains diront qu'elle a été abattue. Mais il y a une controverse autour de la personne qui aurait tué l'animal et la nature de l'animal qui l'a tué. Quoi qu'il en soit, entre 1764 et 1767, cette bête mystérieuse, baptisée par les journaux de l'époque, hein, c'était des petits feuillets à l'époque, on l'appelait la bête du Gévaudan. Et donc, lorsque Christophe Dans décide d'adapter ça au cinéma, dans le Pacte des loups, ben, il choisit une hypothèse qui a été proposée, hein, un animal qui aurait été revêtu d'une espèce d'armure, une cuirasse, pour terroriser les paysans. C'est une hypothèse qui est très exagérée, mais bon, c'est Christophe Dans choisit celle-là parce qu'elle a un impact davantage sur le fil du film. Et là, derrière ça, se cache une espèce de secte. Ouais, le film est très intéressant. Donc, en France, on le sait, la bête du Gévaudan, elle fait partie de la culture. Et j'ai l'impression que les cinéphiles français n'ont pas aimé le film, ont donné une mauvaise réception au film de Christophe Gans parce qu'il n'a pas respecté les faits historiques. Il faut toujours se rappeler qu'un film qui soit basé ou inspiré d'une histoire vraie, il faut toujours se rappeler que le film est là pour nous divertir. Il n'est pas là pour nous informer, nous raconte une histoire. Dans la mesure où cette histoire-là se rapproche des faits, tant mieux, mais si elle s'en éloigne, c'est pas si pire que ça, parce que ultimement, le film doit nous divertir. C'est ça le mandat du cinéaste. Si on sortir du cinéma, on est déçu parce qu'on n'a pas été diverti. Parce que c'est pour ça qu'on va au cinéma, être diverti. Si le film ne réussit pas ce mandat-là, il est un échec. Peu importe l'histoire qu'il nous raconte, c'est un échec. Donc, si je suis un grand fan de cinéma, je me laisse entraîner dans les films. Ouais, c'est ça, si on veut voir l'effet, ben regardons un documentaire, puis là on aura techniquement l'effet tel que proposé ou tel que perçu par les enquêteurs. Mais c'est pas un film, n'est pas un documentaire. Donc, je reste un bon fan de cinéma. J'aime beaucoup les films, et en particulier les films d'histoire de fantômes. J'aime bien ça, même si techniquement, je crois pas trop aux revenants. Mais j'aime bien lorsqu'ils apparaissent sur l'écran. C'est quelque chose que je trouve très divertissant. Êtes-vous encore capable d'avoir Donc, peur pour vous parler de au mon cinéma? dernier. Oui. Il m'arrive d'avoir peur. En fait, OK. je vais faire une confidence. Les Oui. films qui me terrifient le plus, ce sont les films de requins. Ah, J'ai ouais, une OK. peur phobique des requins. Donc, tous les films d'histoire de requins, là, que ce soit de Shallow, qui est Instinct de survie, Oui. 45, 47 mètres de profondeur, là, 40, 47 Ouais. meters down, ou que ce Oui. soit Jaws, bien sûr. Tous les films de requins, ça me terrifie. J'essaie de me mettre dans la peau du nageur, du baigneur qui se fait attaquer par le requin. Je trouve ça, quelle expérience épouvantable que ça doit être d'être dévoré vivant par un requin. Et ça, pour moi, ça marche toujours bien. Moi, les films de requins, j'adore ça. C'est terrifiant Intéressant. et j'aime bien avoir peur dans mon siège. Ouais, c'est Je ça, voudrais pas le confortablement. vivre dans la mer, mais confortablement assis dans le cinéma, là, j'aime bien ça, les films de requins. Mais oui, votre nouveau Et ça livre. m'amène un peu à mon nouveau livre. On parle de requins, de sang et de meurtre. Ben voilà, mon dernier livre, c'est Les tueurs de l'occulte. Je t'ai mentionné en début d'entrevue que j'avais fait des séries un peu à caractère judiciaire, notamment bon, Les enfants tueurs, Le jeu mortel et aussi Crime occulte. Et Crime occulte, c'est l'aboutissement d'un gros projet que je caressais depuis des années parce que quand on parle de phénomènes paranormaux, les gens m'associent ouvertement aux histoires de fantômes, les extraterrestres, ce genre de trucs. Et c'est vrai que, comme beaucoup de gens, je me suis posé la question, est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais personnellement, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout dans les phénomènes paranormaux, c'est plutôt leur aspect sociologique. Pourquoi on croit aux phénomènes paranormaux? Comment ils sont véhiculés dans la culture? Comment on les adapte en fonction de l'évolution de la société? Donc, on voit qu'une transformation des phénomènes paranormaux est étrange. Les histoires de soucoupes volantes dans les années 50 ne ressemblent pas aux histoires de soucoupes volantes d'aujourd'hui. Dans les années 50, les gens qui disaient avoir été dans des soucoupes volantes disaient que les extraterrestres avaient des combinaisons puis appuyaient sur des boutons pour faire ouvrir les portes. Hein? On était à l'image de Star Trek aujourd'hui. Aujourd'hui, les histoires, les récits d'enlèvement par des extraterrestres ne sont plus ça. Maintenant, aujourd'hui, les récits sont plus proches des films de Spielberg ou de Stranger Things, là. Donc, on voit qu'une adaptation, même la culture paranormale, s'adapte en fonction de l'évolution de la société. Et ce phénomène sociologique m'intéresse particulièrement. Et l'expression ultime de cette culture, elle se témoigne dans les crimes à caractère occulte. C'est difficile de pousser plus loin une croyance. J'ai beau, Intéressant. généralement, les croyances paranormales sont assez bénignes. Que quelqu'un dit, bon, mais moi, je crois au loup-garou, je crois au vampire, je suis allé voir entrevue avec un vampire, j'aimais ça, j'ai écouté la série Buffy à la télévision ou encore Twilight où il y a des loups-garous, des trucs comme ça. Je crois à ça, moi. Les croyances, c'est le propre de tout un chacun. Mais au-delà de ça, lorsque cette croyance nous amène à commettre des gestes tout à fait monstrueux, alors là, c'est vraiment cette croyance poussée à son paroxysme. Et dans ce livre, Les tueurs de l'occulte, je présente 13 histoires sur lesquelles j'ai enquêté personnellement, parce que lorsque j'ai fait ces fameuses séries, Crimes occultes, Les enfants tueurs et autres, bien évidemment, j'ai côtoyé des juges, des avocats, des procureurs, des services de police, et dans certains cas, ces gens-là avaient eu à se pencher sur des crimes à caractère occulte. Donc, j'ai eu un accès privilégié à ces documents, donc aux transcripts des minutes de ce qui s'est dit durant les procès, les photos des scènes de crime, les enquêteurs eux-mêmes qui me témoignaient ce qu'ils avaient vécu sur place. Donc, j'ai eu accès à toute cette banque d'informations que j'ai colligée et j'en ai fait ce livre, donc Les tueurs de l'occulte, qui est maintenant en librairie depuis 2 semaines maintenant. Jusqu'à maintenant, il connaît un très, très bon départ. Puis je suis très content que les gens me suivent sur cette voie-là, qui m'éloigne un peu des ouvrages que j'avais faits dans le passé. Un livre qui se lit comme des petites histoires. C'est carrément Oui, c'est comme ça. des Donc, c'est petites 13 nouvelles. histoires. Voilà, c'est 13 histoires. Et bon, je pense, c'est un peu le. On utilise souvent l'expression, ça se lit comme un roman, mais ça a été un peu ma volonté aussi. J'ai Ouais. voulu traduire ces histoires-là en faisant un narratif de l'événement et non pas en faisant un décantage journalistique des éléments. Donc, les gens commencent à lire cette histoire-là et on suit à la fois l'évolution des meurtriers, l'évolution de l'enquête policière, l'arrestation des criminels, le procès, mais tout ça est raconté dans un, d'une manière assez fluide et de manière à ce que le lecteur ne s'ennuie pas en ayant l'impression de lire un compte-rendu universitaire sur des crimes à caractère occulte. Je tiens à préciser aussi que comme je ne suis pas moi-même psychologue ou psychiatre, je ne m'improvise pas dans cette voie-là. Je ne sais pas de faire un décantage de la pensée du tueur et pourquoi pense-t-il comme ceci. Là. J'essaie simplement de m'arrêter au fait de l'enquête judiciaire et policière et c'est exactement ce que je présente. Ben, j'ai commencé à le lire et personnellement, j'ai vraiment adoré. Je le lis dans le désordre, ça c'est mon genre. Dans ce, merci. Ce genre de livre-là, j'ai lu entre autres Sandy Charles, qui est assez horrible comme histoire. Puis ouais. Je voudrais vous demander, il y en a-t-il une là-dedans qui, et qui est inspirée ou qui est difficile ici, à enquêter? Ouais, c'est amusant parce qu'on parle de cinéma et dans ce livre, il y a deux histoires qui ont une connotation très, une connexion très importante avec le cinéma. Hein. On a Sandy Charles qui va commettre son crime en s'inspirant d'un film qui s'appelle The Warlock, donc un film qui oui, met en en effet. Vedette Julian Sands, qui date du début des années 1990, je crois. Et le second film, c'est dans une histoire, c'est un type qui s'appelle Alan Menzies. Ça se passe en Écosse. Il va assassiner son meilleur ami. Et tout ça dans une parce qu'il est persuadé que des vampires, la reine des vampires, Akasha lui parle. Akasha, c'est l'héroïne du film La Reine des Vampires, là, qui est une adaptation du roman d'Anne Rice, là, Queen of the Damned en anglais. Donc, il regarde ce film à satiété, je dirais 2 à 3 fois par jour. Il est obsédé par ce film. Il a l'impression que l'héroïne Akasha lui apparaît, elle lui parle, elle lui demande des sacrifices humains et éventuellement ce Alan Menzies va assassiner son meilleur ami qui est de manière tout à fait horrible. Là, ici on voit cette connotation là, très très claire entre le cinéma d'horreur et des gens qui sont, il faut bien dire, le cinéma d'horreur n'entraîne pas des meurtres, mais ce sont des gens qui sont désaxés. Là. Il faut au départ être désaxé pour arriver à croire que ce qu'ils voient sur l'écran devient une transposition dans la réalité. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une histoire qui m'a plus marqué que les autres, sans aucun doute, c'est celle des éventreurs de Chicago. Et c'est amusant parce que quand j'ai commencé à écrire les textes, j'ai d'abord commencé par les éventreurs de Chicago. C'est le premier chapitre que j'ai remis à mon éditeur et les autres chapitres ont suivi. Donc, en théorie, suivant la démarche que je vous avais proposée, les éventreurs de Chicago devenaient le chapitre numéro 1. Mais éventuellement, l'éditeur a dit on va le pousser plus loin dans l'ouvrage, donc il était repoussé au chapitre 4 ou 5 à peu près, de manière à préparer un peu le lecteur avant d'arriver aux éventreurs de Chicago parce que ce sont des crimes qui sont tout à fait épouvantables. On se retrouve dans le Chicago du début des années 1980. Et là, on a des femmes qui sont assassinées et mutilées de manière monstrueuse. Et à ce moment-là, les policiers arrivent assez rapidement à se dire « On a probablement affaire à un tueur en série. » Il faut savoir que juste avant, ils avaient eu affaire à un autre tueur en série qui est John Wayne Gacy, le clown assassin, qui, à Des Plaines, c'est une banlieue de Chicago, avait assassiné une trentaine de jeunes hommes. Puis je crois que c'est 27 cadavres qu'on avait retrouvés dans un vide sanitaire sous sa maison et sous son garage. Les autres corps avaient été jetés dans la rivière Des Plaines, qui passe également par Chicago. Donc, ces crimes-là avaient choqué l'opinion publique, on le comprend. Et l'affaire de John Wayne Gacy a alimenté la manchette à travers le monde entier. Alors, on se retrouve 2 ou 3 ans après l'affaire de John Wayne Gacy. Ces femmes sont assassinées dans la grande région de Chicago. Les policiers, au départ, hésitent à parler d'un tueur en série. Vous pouvez imaginer qu'un tueur en série frappe à nouveau Chicago 2 ans après John Gacy. C'est un peu surprenant, mais bon, rapidement, ils arrivent à cette conclusion. Ce qui les étonne quand même, c'est que généralement, les tueurs en série, et là, on sait, c'est peut-être un des éléments qui cadre avec le crime occulte. Alors moi, les policiers me disaient souvent, quand ils parlaient de crime occulte, ils disaient, lorsqu'on arrive sur une scène de crime normale, entre guillemets, la scène de crime nous parle. Elle peut nous dire combien d'agresseurs il y avait, comment ça s'est déroulé, quels ont été les moments de l'altercation entre l'agresseur et la victime. Donc, la scène de crime nous parle. Dans le cas des crimes occultes, souvent, la scène de crime nous parle, mais elle nous parle une langue qu'on ne comprend pas. Et c'est exactement ce qui va se passer avec les éventreurs de Chicago. Donc, on a des femmes qui sont mutilées, assassinées et mutilées dans la grande région de Chicago. Mais généralement, les tueurs en série vont généralement suivre la même victimologie, c'est-à-dire qu'ils vont choisir un groupe ethnique en particulier. Généralement, ce groupe ethnique correspond à l'ethnicité de l'assassin. Hein, donc, si l'assassin est blanc, il va généralement assassiner des femmes blanches. Ils vont également, l'assassin, s'il y a des crimes, s'il y a des éléments à caractère sexuel, ils vont généralement choisir, par exemple, un type en particulier. Bon, l'assassin va cibler une femme blanche, les cheveux blonds, les yeux bleus, donc ils vont généralement aller dans ce sens-là. Dans le cas des crimes commis à Chicago, là, les policiers étaient un peu cons parce que on avait des femmes, c'était tous des femmes relativement jeunes, assez jolies, mais on y allait dans tous les groupes ethniques. Il y avait des femmes qui étaient afro-américaines, il y avait des blanches caucasiennes, il y avait des asiatiques. Donc, n'importe quelle ethnie était frappée. Et ces femmes étaient tous mutilées de la même façon. Donc, visiblement, l'assassin était là. Mais pourquoi cette différence dans les ethnies? Pourquoi les différences également sur les femmes? Hein, parce que aucune de ces femmes-là ne se ressemblait. Donc, il n'y avait pas de preuve de portrait. Éventuellement, les policiers vont arrêter non pas un, mais quatre individus. Là, donc, on est un groupe de tueurs. Ils sont dirigés par un certain Robin Getch. Il a une ascendance extraordinaire sur ses acolytes, un peu comme dans la célèbre affaire Charles Manson qui avait marqué l'histoire, la criminologie là, à la fin des années 60, là, dans l'histoire du crime, un des crimes les plus médiatisés du 20e siècle. Donc, Robin Getch a un peu cet aspect-là hein, de Charles Manson, c'est-à-dire qu'il a une ascendance sur ses acolytes. Il forme à eux seuls un quatuor. Il se déplace dans une camionnette dans les rues de Chicago, enlève des femmes, les agresse sexuellement et les mutile. En particulier, on leur tranche les seins avec des fils d'acier. Et l'idée de conserver les seins des femmes pour pouvoir les utiliser dans des rituels sataniques. Robin Getch a aménagé dans le grenier de sa maison une chambre particulière avec un hôtel, bon, tout à la loi du parfait sataniste. Et là, il réunit ses acolytes autour de lui. Ils lisent des incantations dans des livres, dans des grimoires de magie, de sorcellerie. Se livrent à des actes tout à fait là, sordides sur les organes féminins qu'ils ont prélevés. Ça donne même à des actes de cannibalisme. Donc, c'est tout à fait monstrueux. Et j'ai parlé avec les policiers, j'ai eu accès aux photos, les scènes de crime, les transcripts. Il y avait là-dedans quelque chose qui était vraiment, vraiment horrible. Et j'avoue que certaines images qu'on m'a montrées me sont restées longtemps en mémoire. Là. Je me suis rappelé ça pendant des jours. Les scènes étaient vraiment monstrueuses. Et ce qui est d'autant plus surprenant dans cette affaire des éventreurs de Chicago, c'est que, ultimement, les quatre individus seront arrêtés. Mais Robin Getch ne sera jamais condamné pour les meurtres. C'est-à-dire que les autres, et là, on reconnaît encore cette ascendance là, à la Charles Manson sur ses disciples. Oui. Au moment où le procès se tient, les acolytes de Robin Getch vont prendre sur eux toutes les monstruosités des crimes. Hein? Robin n'a rien fait, c'est nous. Robin ne faisait que nous accompagner. Et dès que les policiers mentionnent le nom de Robin Getch aux acolytes, ces individus-là se mettent à trembler. Donc, on voit qu'il y a une ascendance extraordinaire, tant et si bien que Robin Getch ne sera jugé et condamné uniquement pour enlèvement, séquestration et mutilation. Il est toujours en prison, il ne sortira jamais de là. On lui a donné une peine de 250 ans de prison, mais il ne sortira jamais de là. Mais on voit quand même, et ses acolytes, deux d'entre eux, un a été condamné à une lourde peine de prison. Il est d'ailleurs sorti l'automne dernier, donc. Et les deux autres avaient été condamnés à mort. L'un d'entre eux est exécuté. Le second a vu sa peine être commuée en deuxième instance, être commuée en une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ce qui reste surprenant, c'est que le cerveau de l'affaire, Robin Getch, n'a jamais été accusé de meurtre, mais uniquement d'enlèvement et de séquestration. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Mais les meurtres étaient tout à fait sordides et parmi les plus sordides qui m'étaient donné de rencontrer. Wow! Puis ça, ce n'est qu'une seule histoire parmi les 13 que vous avez dans le livre, Ouais, voilà, ça c'est c'est... une des 13 histoires qu'on retrouve dans le bouquin en question. Ben, écoutez, je vous retiens pas plus longtemps, Monsieur Page, mais honnêtement, c'était tellement intéressant. Je savais à quel point que j'allais juste vous écouter parler, puis sans rien dire. Je me suis dit, ce gars-là est une encyclopédie, je le laisse aller. Mais si vous voulez, Ben, on ça me fait surfait ça, on plaisir. reparle de Écoutez, j'espère cinéma que... encore. Ah, il n'y a pas de problème quand vous voulez. J'espère que vos Ça... éditeurs seront au rendez-vous et apprécieront aussi. Merci. J'espère, Bonne puis journée. on répète si on veut vous écouter sur 98.1. En fait, c'est le 98.1 pour la Grande Région Québec, Radio X-Files, c'est tous les vendredis de 20h à 22h. Et pour la Grande Région de Montréal, c'est le 98.5 FM, tous les vendredis de 15h45, de 14h45 à 15h, dans une chronique Mythes et complots avec Bernard Drainville dans le cadre de son émission Drainville PM. C'est toujours facile de les trouver sur Internet pour les écouter en podcast, là. Oui, parce que voilà, dans ces deux cas-là, même si vous n'êtes pas de la région visée, il faut savoir qu'à la fois le 98.5 FM comme Radio X, là, le 98.1 FM à Québec, ces émissions-là sont présentées en direct sur le web. Et ensuite, on peut télécharger des balado-diffusions pour écouter les chroniques en différé. Bon, mais il n'y a pas d'excuse pour vous manquer. Donc, Non, ben absolument écoutez, pas. Monsieur Page, je vous remercie énormément. Puis, ce n'est qu'une partie remise. Oh oui, absolument. Bonne journée à vous. Bonne journée.